Bonjour Anne, on est à Ligour. Tu es intervenue hier après-midi sur Irette Métrogent. Et à ce propos, ça fait depuis quelques années que tu travailles sur la période de la Belle Époque, c'est ça, les en dehors, les Oui, c'est illégalistes. ça, depuis 2007, à peu près 2006-2007. Et tu t'intéresses dans cette époque Bah, au ou cette départ, période? c'est parti d'un intérêt pour le courant individualiste que j'ai découvert autour d'une recherche, d'une réflexion sur l'histoire des idées politiques, la violence, etc. Je me suis donc d'abord intéressée aux individualistes, à tout ce courant, et du coup, j'ai écrit Les En Dehors, hein, qui retrace à partir d'une biographie qui se déroule, celle de Rirette, mais de pas mal de biographies tracées qui décrit un milieu, les pratiques de ce milieu, mais aussi l'idéologie qui sous-tend ces pratiques. Et en toile de fond de ce travail, ben, j'ai découvert toute l'agitation de la Belle Époque, ces grèves émeutes, par exemple la mobilisation pour Ferrer, le pédagogue espagnol condamné à mort et exécuté en Espagne, et aussi cette formidable mobilisation, par exemple, pour Jean-Jacques Liabeuf, qui était un jeune cordonnier accusé à tort d'avoir été proxénète et qui ensuite s'est vengé en tuant des policiers. Bon, une histoire assez connue, mais ce qui m'intéressait, c'était les modalités de l'émeute au pied de la guillotine. Et j'ai découvert, comme ça, la violence, en fait, de ces manifestations et des pratiques émeutières qui n'étaient pas sans rappeler les émeutes de 2005 et dans les modalités. Et ça m'intéressait d'explorer un peu et de voir concrètement comment ça s'était passé, c'est-à-dire comment la violence démarre, qui est violent dans une manifestation, les répliques policières, pourquoi brûler des bus, par exemple, pourquoi des. Alors à l'époque c'était des tramways, pourquoi brûler des tramways plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment un bâtiment, un objet devient une cible ou des personnes? Bon, quand c'est des policiers, on comprend assez vite, mais quand c'est par exemple des promeneurs qui achètent du pain d'épices boulevard de Belleville, on se demande pourquoi tout à coup ils deviennent l'homme à abattre. Bon, et ça, c'était. Voilà, j'ai voulu rentrer de l'intérieur et faire comme si j'étais à l'intérieur de la manifestation et que je voyais ce qui se passait, parce que c'est des objets qui ont été traités par les historiens, bon, d'ailleurs modérément, mais un peu quand même. Mais en général, en deux, trois lignes, la violence était expédiée, qu'on disait que ça avait été très violent. Bon. Et c'est tout ce qu'on savait. Moi, j'ai voulu savoir qui était interpellé. Dans les interpellations, on voit un peu qui sont les gens qui se rendent coupables de ces actes de violence et des fois pourquoi ils le font, puisqu'il y a des archives de procès, ils expliquent, etc. C'est un peu leur trajectoire sociale, c'est ça? Très cher social, puisqu'il les motive, voilà ce qui les motive. Et souvent, c'est décrit dans la presse de l'époque comme des éléments marginaux qui s'infiltrent dans les cortèges. On voit que pas du tout. C'est très souvent des ouvriers. En fait, il y a une pluralité de profils, d'ailleurs. Ce n'est pas un profil unique, même au niveau de l'âge. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des gens de 40-45 ans qui sont pères de famille et qui se retrouvent mêlés à ces émeutes, quoi, et qui ont des pratiques émeutières. Et donc, voilà, ça m'intéresse. Mais c'est souvent, plus souvent quand même des. Résume la Belle Époque à un syndicalisme assez primitif, globalement, par rapport au, je vais mettre des guillemets, le vrai syndicalisme, Front Populaire et autres, et un environnement assez confus. Est-ce que c'est Bah, là, ça ou. c'est l'âge d'or du syndicalisme révolutionnaire. Donc, c'est un syndicalisme de combat, hein, vraiment, qui a comme horizon la grève générale. C'est-à-dire, ils sont persuadés que chaque grève est une sorte de gymnastique révolutionnaire pour arriver à la grève générale et que la grève générale remplacera la révolution, quoi, parce que directement, les producteurs deviendront maîtres de leurs outils de production. Bon. Peut-être un peu utopique, mais il y avait cette dynamique-là. Et du coup, ils sont présents. On voit, hein, ils sont assez peu nombreux, les militants CGT, mais ils arrivent à déclencher des conflits. Enfin, c'est pas eux tout seuls, hein, c'est parce que la situation est mûre, qu'il y a une exaspération. Mais les gens les suivent et les gens se reconnaissent, aussi bien dans la défense du sabotage, la chasse aux renards, c'est-à-dire la chasse aux jaunes. Et l'idée de grève générale, ça, on sait moins si elle est portée par les, par ceux qui font les grèves. Si. Parce que c'est, il y a donc l'action syndicale naissante, c'est ce que tu viens de dire. L'illégalisme, qu'on pourrait aussi peut-être traduire par une manière de vivre au quotidien, peut-être. Voilà, l'illégalisme touche beaucoup moins de gens. Hein. C'est quand même des pratiques moins répandues, bien sûr moins répandues. Tandis que ça, cette violence ouvrière, on voit bien qu'à chaque conflit, elle éclate. Elle éclate, elle touche tout le monde. Bon, l'illégalisme n'était pas jugé si négativement. Il y avait des zones grises hein, aussi, volées un peu à l'atelier des matières premières, des choses comme ça. Bon, il y avait des petits niveaux d'illégalisme aussi. Et le fait de revenir dans le passé, ou éclairer le présent, de voir des similitudes ou des proximités avec le présent. Ouais, on peut se poser la question. En vérité, c'est quand même une passion pour l'époque, une passion pour l'archive. J'ai le goût de l'archive. C'est le titre d'un livre d'Arlette Farge, une historienne. Et c'est un clin d'œil d'avoir appelé mon livre Le goût de l'émeute, mais j'ai un vrai goût pour ça. Donc, j'ai pas forcément le but d'éclairer le présent. Juste montrer. Pour le goût de l'émeute, je voulais tout de même montrer que ce qui était décrit comme des pratiques complètement nouvelles, quasiment barbares, ces jeunes qui brûlaient des bâtiments, c'était des pratiques qui appartenaient à l'histoire du mouvement ouvrier, qui étaient anciennes. J'avais un petit peu la volonté, mode d'action nouveau. Oui, je pense que c'est dans ces années-là, si tu veux, qu'il y a vraiment une remise en cause de certains modes de vie, encore que. Il faut voir qu'il y avait peut-être beaucoup plus de manières de vivre qu'on ne le dit en ville. Parce que moi, j'ai fait un travail biographique sur ma propre famille, non publié. Et je me suis aperçue que l'union libre était généralisée, par exemple. Que les gens reconnaissaient, du côté paternel, il n'y a que ça. Et en fait, les arrière-grand-mères, elles se marient, des fois, quatrième enfant, peut-être parce que, justement, pour toucher certains secours, il faut être un couple marié, etc. Mais du coup, bon, je me dis peut-être que les gens étaient beaucoup moins conformistes qu'on ne le pense, en tout cas chez les ouvriers urbains. Voilà. Mais il y a eu quand même, en tout cas, une interrogation qui a été poussée assez loin par les individualistes sur... l'amour, l'amour plural, la vie en communauté, et en plus des expériences qui ont mené, et je pense qu'elles ressurgissent après, plus tard, en 68. Alors peut-être qu'il y a un continuum, on connaît mal la période entre les deux, mais il y a des gens qui travaillent dessus et qui montrent qu'il continue à y avoir des collectifs d'habitat, etc. Mais il y avait moins de visibilité de cette interrogation. Et puis, depuis 68, ça s'est poursuivi. Prochain temps, tu as un projet en cours, là ? Oui, mais c'est de poursuivre ma réflexion sur le syndicalisme révolutionnaire, mais surtout les mouvements justement dont il est l'acteur, on va dire. Actuellement, je prépare un livre qui portera sur un certain nombre de grèves, pas centré comme je l'ai fait dans le goût de l'émeute sur la région parisienne, mais sur l'ensemble de la France, des grèves ou des mouvements. Aussi parce qu'il y a aussi des mouvements agricoles qui ont été très durs, très violents et très réprimés. Ce livre sera illustré par un très grand nombre de cartes postales. J'ai choisi des mouvements qui ont donné lieu à la publication d'un grand nombre de cartes. Et c'est intéressant parce que je dois rechercher ça, j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais c'est évidemment mon projet de le faire pour les besoins de cette édition. Je ferai une recherche sur qui étaient ces éditeurs de cartes postales, comment ils se positionnaient, parce qu'on a parfois l'impression quand même qu'il y a beaucoup de sympathie pour les mouvements. Par exemple, ils recouraient assez facilement quand même au feu, ces braves gens, et les demeures patronales, c'était une cible à l'époque, c'était quand même pratique, parce que voilà, c'était des demeures un peu comme ces petits châteaux, c'était assez facile d'arriver, casser des carreaux, déverser des bidons d'essence, et la maison du patron partait en fumée. Et on les voit poser devant les décombres fumants, assez contents, hommes et femmes, et je me dis, c'est pas possible que le photographe ait pas... Bon, on a l'impression qu'il y a une petite service, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il y a des mises en scène. Alors des fois, parce que d'autres photographes vont prendre les patrons dans leur demeure dévastée, les patrons concernés dans leur demeure dévastée, donc c'est une autre démarche que de prendre ceux qui ont éventuellement... Alors je vais aussi, ce sera aussi un travail sur l'iconographie, justement. Source, c'est la carte postale. La carte postale, voilà. Après, à partir de ces séries de cartes postales, ben, je fais des recherches dans les archives pour voir comment ça s'est passé. J'utilise aussi, ce ne sera pas toujours un travail de première main, c'est-à-dire j'ai aussi des livres qui ont été écrits sur ces mouvements. Par exemple, sur les viticulteurs du Midi, c'est bien évident que, parce que je pourrais y passer un quart de la vie qui me reste à vivre, d'aller dans les archives pour retracer tout ce qui s'est passé. D'autres l'ont fait pour moi, je les utilise. Mais je reprends aussi les journaux, bon, ben, la guerre sociale, évidemment, d'autres, la vie ouvrière, les temps nouveaux, je vais voir ce qu'ils disent de ces mouvements. Et puis, ça part toujours, en effet, des cartes. Qu'est-ce qu'elles disent ? Comment les gens se mettent en scène ? C'est mon projet actuel. D'accord, bah merci beaucoup, Anne, et à bientôt. À bientôt.